Ouda. Rien que pour toi, je te le chanterai. Moi. Et si moi je te composais une chanson rien que pour toi, comme un message sans adresse aucun facteur n'apportera. Et si je trouvais les mots plus forts que le son de ma voix, les mots qui sèment du bonheur comme un parfum au fond de toi. Je veux pas savoir à qui tu ressembles, ni où tu vas, ni d'où tu viens. J'aime tes yeux lorsqu'ils me parlent et qu'ils ressemblent aux miens. Je veux pas savoir si tu pardonnes et si la vie te le rend bien. Je veux simplement poser ma vie pour un instant sur ton chemin, tout doucement avec pudeur. Une chanson du bout du cœur, tout doucement avec pudeur. Une chanson du bout du cœur. Et si moi je te composais une chanson pour toi, comme une sorte de poème qu'aucun poète ne te lira. Et si je te trouvais les mots qui te racontent notre histoire, les mots qui mettent dans le cœur de la confiance et trois étoiles. Celles-là, elles sont rien pour toi. Pas connaître l'avenir de ce qui restera de nous. Je veux simplement dire aujourd'hui ce que je pense et c'est tout. Je veux pas toucher à ton destin, à la couleur de tes espoirs. Mais tu sauras que bien souvent, y'a quelqu'un qui pense à toi. Tout doucement avec pudeur, une chanson du bout du cœur. Tout doucement avec pudeur, une chanson du bout du cœur. Et si moi je te composais une chanson même pour toi, une réponse à tes questions, que tu t'endors avec ma voix. Et si je te trouvais les mots que je t'ai dit sans le savoir, les mots qui font que le silence entende le bruit de mon cœur qui bat, bat, bat. Trois étoiles à la vie, à la mort, et même au-delà. Je veux te voir un jour partir là où ils t'attendent déjà. J'ai pas attendu que t'existes pour aimer de toute mon âme. Quand tu décideras d'aller là où ton rêve t'attendra, tu pourras m'appeler et je serai là pour toi. Soit nos lendemains, je fais confiance à nos mémoires. Elles sauront faire de nos chemins un peu d'amour, un peu de joie. Tout doucement avec pudeur, te dis que je t'aime du fond du cœur. Tout doucement avec pudeur, te dis que je t'aime du fond du cœur. Trois étoiles, voilà. Un jour ce sera toi et moi. Toi et moi. L'amour me pousse à décrocher la lune, mais je suis humble et je saisis ma plume. Tu mérites bien tout l'or et les diamants. Moi je n'avais rien jusqu'à prise pour sentiments. Je ne suis pas reine, aucune richesse à t'offrir. Mes sentiments, ils vaut plus que moi. Ils seront que pour toi. Mais personne d'autre pourra te dire un meilleur. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Cette chanson, elle est pour toi. Ouais. Et rien pour toi. Tu te reconnaîtras. Trois étoiles. ODA. À la vie. À la mort. ODA.